Vous écoutez Futur Simple sur CKRL et comme Noël approche et que c'est notre dernière émission de Futur Simple avant Noël, ben il faut se mettre au diapason et on va commencer Noël en regardant d'un peu plus près le sapin de Noël. Alors Jean-Daniel Doucet, qui voit la chimie un petit peu partout, n'a pas pu s'empêcher de voir la chimie dans le sapin de Noël. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour François. Absolument, il y a de la chimie dans le sapin de Noël. Et parlant de chimie dans le sapin de Noël tout de suite, je te pose une question François. Est-ce que tu es plus toi du type sapin artificiel en plastique là, qui sonne peut-être plus chimique ou plus sapin naturel? Ben écoute, pour l'esthétique, je te dirais sapin naturel, mais pour l'environnement, j'aurais tendance à penser que ce serait sapin chimique, là, c'est-à-dire le sapin en plastique. En plastique, oui, mais on pourrait penser en effet hein, que les sapins de Noël en plastique sont meilleurs pour l'environnement, hein, François, mais on serait probablement dans l'erreur, en fait. Ah, okay. Il y a une étude de la firme Ellipsos qui est parue en 2009 qui révélerait que le sapin naturel serait probablement l'option la plus écologique. En fait, selon cette étude, à Montréal, le sapin naturel, c'est l'option qui génère le moins de gaz à effet de serre. À moins, il y a un bémol, à moins qu'on conserve son sapin artificiel pendant 20 ans. Okay. Alors là, le sapin là, blanc et rose là, a le temps de passer mode plusieurs fois avant qu'on rentabilise le sapin de plastique. Mais si on achète un sapin vert, on peut à la limite le garder 20 ans parce que souvent ce qui change, c'est la mode, la décoration du sapin et non le sapin comme tel. Oui, qui est donc un si on est vraiment sûr de garder c'est son sapin pendant 20 ans, ça va. Uh-huh. Ce qu'il faut savoir, donc selon l'étude d'Ellipsos de 2009, le sapin naturel génère 3,1 kilogrammes d'équivalent en CO2 sur une base annuelle. L'équivalent artificiel, le sapin artificiel, lui, va émettre 8,1 kilogrammes, donc un peu plus de deux fois l'émission de CO2. OK. Et ça va s'expliquer, entre autres, parce que le plastique, produire le plastique, ça prend de l'énergie, ça va prendre du CO2, mais c'est aussi que le sapin va être produit souvent en Asie et on doit le faire venir d'outre-mer. Donc, tout ce transport-là va émettre beaucoup de CO2 et en moyenne, en fait, ce sapin-là... Ça fait 8,1 kilogrammes. Ça va faire 8,1 kilogrammes de CO2. Sauf pour le sapin naturel, on se base sur quoi pour évaluer sa production de CO2? De CO2. Donc, le sapin qu'on coupe après, il est mort, donc il va se dégrader et réémettre du CO2 qu'il avait précédemment capturé l'air. Sauf que selon le protocole de Kyoto, on sait que le CO2 qui provient de la biomasse n'est pas calculé. Donc, ça veut dire qu'en théorie, son impact, normalement, devrait être Mais il faut quand même aussi, dans le cas du CO2, du sapin naturel, il faut aussi... Oui, le transporter aussi, quand même. Exactement, il faut aussi le transporter, l'électricité aussi, j'imagine. C'est un fait, oui. Qu'on calcule. Je suis pas allé dans les détails de l'étude, je vois l'air. Donc, le sapin naturel serait donc un meilleur choix, moyennant que le fournisseur, en fait, pratique une coupe, disons... environnementale ou intelligente. Oui, qu'on pratique pas de coupe à blanc, évidemment. Faut aussi dire que l'émission de CO2 là, engendrée par un sapin naturel, ben c'est relativement faible. Pour compenser les émissions de gaz à effet de serre d'un arbre de Noël naturel, il suffirait de prendre son vélo d'une à trois semaines, par année. Donc, ça pourrait permettre, au lieu de sa voiture, on prend son vélo l'été pendant 1 à 3 semaines. J'aime ça. Et on peut avoir un sapin Noël naturel en toute bonne conscience à Noël. Puis en plus, les forêts de sapin Noël qu'on plante doivent aider à séquestrer le carbone, je suppose. Est-ce qu'elles sont importantes, ce calcul-là, non? Oui, ben en fait, selon l'Association canadienne des producteurs d'arbres de Noël, oui, une association de ça. Ouais. Cette association-là va note que le Canada produit environ 5,5 millions de sapins de Noël par année. C'est énorme quand même. C'est vraiment beaucoup. Aux États-Unis, il y aurait plus d'un million d'acres de territoires qui sont occupés par des arbres de Noël. Donc c'est relativement important comme industrie. Et ça, en fait, 5,5 millions de sapins de Noël par année, en fait, ça fait quand même des grandes étendues d'air pur, ça. Oui, ben il y a beaucoup de sapins qui vont occuper un grand espace. On pourrait s'attendre à des grands espaces verts avec l'air qui fait bon respirer. Oui. Et ben le sapin de Noël, François, le sapin de Noël même naturel, il est aussi très chimique. Et chimique peut-être au sens toxique du mot. En fait, je vous explique. Oui, il faut que tu expliques ça. Oui, il faut expliquer ça. Donc, l'odeur du sapin provient surtout de terpènes. Ouais, c'est une famille de produits chimiques, ça. Exact. Une famille de produits chimiques qui sont des composés, en fait, organiques volatiles. Donc, ils vont s'envoler dans les airs. Ils viennent généralement sous forme d'huile à la base, une huile qui est insoluble dans l'eau, évidemment. Et c'est ce genre d'huile-là, on va les utiliser notamment dans les parfums. Donc, ça va donner une odeur, ça va s'évaporer dans les airs. On va pouvoir le sentir. Et dans le cas des sapins, il y en a des molécules particulières qui vont donner une odeur très, très caractéristique. Deux de ces molécules-là qui donnent l'odeur très unique des pins, entre autres, sont l'alpha-pinène et la bêta-pinène. Donc, pinène, pin. C'est ça. Ça fait penser à sapin. La plus commune des deux, c'est la bêta-pinène, qui est, entre autres, un additif alimentaire accepté. Donc, on peut en consommer. On l'utilise également dans les parfums pour donner une odeur de sapin, si on veut. Et la bêta-pinène aurait aussi des effets même antimicrobiens. Donc, on pourrait se débarrasser de microbes grâce à une huile provenant des sapins, par exemple. C'est ce que j'avais déjà entendu dire, effectivement. Alors, ces molécules ont donc l'air plutôt inoffensive, mais quel est leur rôle dans la pollution de l'air? Ben, dans une forêt de conifères, François, ces molécules-là et d'autres composés organiques volatiles qui vont être rejetés, ils seraient responsables d'une sorte de brume qu'on trouve au-dessus de forêts de conifères, entre autres dans la Caroline du Nord et au Tennessee. Donc, au-dessus de grandes étendues de conifères, on voit une espèce de halo bleu parfois. OK. Et ça proviendrait de cette substance-là qui s'évapore et qui formerait comme des... Exact. Ça proviendrait de ces molécules-là qui sont dans l'air et qui vont dévier la lumière et donner la couleur bleue. Okay. L'impact de ce nuage-là sur la santé n'est pas clair. Bon, on peut s'attendre à ce que ce soit relativement nul. Ouais, exact. C'est ça. Le problème, ça viendrait plutôt du cocktail chimique qui va être formé par ces produits chimiques-là lorsqu'ils se mélangent avec la pollution humaine. C'est un fait. Donc, nous, ce qu'on émet comme pollution dans les grandes villes va aller contaminer les forêts de conifères, notamment. C'est du moins ce que soupçonnent des chimistes comme Alan Goldstein de l'Université de la Californie à Berkeley. D'ailleurs, selon le New York Times Petit Factoid, Monsieur Julius Saman, c'est l'inventeur, là, en 1954, du fameux sapin sans bon pour les voitures. Ben, il aurait précédemment, lui, étudié les arômes des arbres de montagne du Canada. L'histoire dit pas ce qu'il a mis sur ces fameux petits sapins sans bon, mais on peut supposer qu'il a mis certains composés organiques qui provenaient de l'odeur des sapins pour donner l'odeur caractéristique. Ce que vont faire ces molécules-là sur ces sapins sans bon, c'est qu'on va masquer les odeurs. Mais on va aussi réagir avec les mauvaises odeurs, avec la puanteur, si on veut. Donc, c'est des molécules les molécules organiques volatiles, qui peuvent réagir avec d'autres molécules, dont celle de la pollution, par exemple. Effectivement. Et comme exemple aussi, là-dessus, on sait que les carbones organiques volatiles, donc ces molécules-là, peuvent réagir aussi avec les NOx, c'est-à-dire les oxydes d'azote, qui sont produits par les gaz d'échappement des automobiles. Notamment. Et qu'est-ce que ça fait? Ça réagit ensemble pour faire de l'ozone, qui est un des principaux constituants du smog troposphérique. Exactement. Donc, on peut produire de l'ozone. Et même l'ozone, à son tour, peut aussi réagir avec les molécules organiques volatiles. Oui, parce que c'est un puissant oxydant. Là, Exactement. Donc, on se trouve avec des grosses molécules qui grossissent, qui vont se coller les unes aux autres et qui vont faire une sorte de grosse pelote chimique et qui vont créer des particules dans l'air. On va appeler ça des aérosols. Et c'est connu, c'est documenté. On sait que les aérosols ont un effet sur la santé. Tout à fait, oui. Et ce sont ces réactions chimiques-là qui causent des problèmes dans une forêt de conifères à grande échelle? Non, c'est un peu ça. C'est que ces particules, ces molécules-là organiques qui vont apparaître à cause de l'oxydation vont former, comme je l'expliquais, de grosses particules qui vont par la suite créer une panoplie de problèmes respiratoires et qui pourraient aussi avoir un impact sur le climat et sur l'environnement. Selon un communiqué du Carnegie Mellon University, il y aurait aux États-Unis et chaque année 50 000 maladies du cœur et du poumon qui seraient causées par la pollution de l'air et notamment par un excès de ces aérosols-là. Donc, c'est clairement un problème là, qu'on a. Et la forêt de conifères, conjointement avec la pollution atmosphérique qu'on crée dans les villes, pourrait causer un problème. Oui, puis effectivement, c'est une raison de plus pour diminuer nos émissions polluantes. Jean-Daniel, quand on pense aux sapins naturels, je pense surtout au temps très court qu'ils survivent dans nos maisons, en fait, évidemment au problème des aiguilles qui se retrouvent un peu partout. Mais est-ce que la science nous propose des solutions pour allonger la durée de vie dans de ces sapins-là dans nos maisons. Oui, peut-être très rapidement, en terminant, il y a une recherche du Collège d'agriculture de la Nouvelle-Écosse en collaboration avec des chercheurs de l'Université Laval qui ont trouvé une molécule, le 1-MCP, qui est une molécule qui normalement ralentit le mûrissement des fruits, mais dans ce cas-ci, va permettre de ralentir la perte des aiguilles des arbres de certaines des sapins. Et en fait, de façon très intéressante, après 40 jours, une branche de sapin va garder ses arbres très, très verts en présence du composé 1-MCP. Et au contraire, une branche d'arbre qu'on aurait laissée là va perdre complètement toutes ses aiguilles. Donc, c'est un composé qu'on pourrait éventuellement utiliser pour rallonger la survie de nos arbres dans les maisons et éviter de devoir balayer des aiguilles à toutes les semaines. C'est un fait. Et rapidement, est-ce qu'il y aurait aussi des moyens génétiques d'améliorer ça ou Oui, ben en fait, il y a très rapidement, on a l'Université de la Colombie-Britannique qui ont été capables en fait de séquencer le génome de l'épinette blanche, qui est un des arbres de Noël les plus populaires. Donc on espère avec ça pouvoir mieux sélectionner les spécimens de sapins qui sont capables d'être plus résistants, de durer plus longtemps. Donc généralement on a besoin de 25 à 30 ans pour savoir si le sapin qu'on a sélectionné est un bon sapin. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, les chercheurs espèrent réduire ça jusqu'à 5 ans. OK. Ben écoute, merci infiniment. On aurait pu en parler encore davantage. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet. Mais pour l'instant, c'est tout le temps qu'on a. Alors, merci beaucoup, Jean-Daniel Doucet. Merci, François, et joyeux Noël.